Bon, c'est vrai, c'est pas ce que je pensais, mais c'est dur sans toi. Je suis un peu cette maison sans briques, et encore moins sans toi. Quand on s'emballe vite pour un oui ou pour un non, quand on se dit toi et moi, vie, mais déjà faut viser les un an. Je suis nostalgique, ça tu le sais, je te l'ai jamais caché. Pourtant, toi tu m'as menti, tu m'as dit je t'aime, t'as tout gâché. Ouvre les yeux, tu marcheras déjà plus droit. Et sans moi, moindre admirateur, toi et ton beau bateau, mais sans voile, tu me laisses sans voix. Déjà que je criais pas souvent à l'aide quand on se mettait, toi et moi, dans le 4x4. Visage à l'air, je voulais que tu sache que ça tombe pas rond et pas vite, c'est dur à l'admettre, mais avec lui je te voyais passer par vitre. J'ai beaucoup de larmes, alors pourquoi on m'en demande? Quand j'ai signé le contrat de l'amour, j'ai perdu toute l'ordonnance, une vie de couple normale. Alors pourquoi je t'ai pardonné? J'en ai donné trop, c'est de l'amour que tu m'as pardonné. Quand je t'ai déclaré ma flamme derrière, il y avait déjà les pompiers. Avant je marchais pas droit, grâce à toi je marche du bon pied. À force de fumer tous les bons moments, j'avais trop de nicotine. Au bout du compte, je suis reparti sans pote et ni copine.